Bonjour amis Gémeaux et ascendants Gémeaux. Pour cette rentrée 2023, pour le mois de septembre, nous avons décidé de revenir à un tirage général pour voir de quoi a envie de vous parler l'oracle de Béline pour ce nouveau cycle. Alors, on y va. Dans quel domaine allez-vous avoir un message de l'oracle de Béline pour vous Gémeaux ou ascendants Gémeaux pour septembre 2023? Alors, la coupe parle de nouveautés par rapport à sans doute une sensation d'enfermement, l'impression qu'on ne pouvait pas avancer comme on le voulait, mais bon, tout cela est assez général, ce qui est quand même, je vous rappelle que la coupe, elle donne une coloration au jeu. On va faire le tirage. Donc, je choisis les cartes au hasard et je les découvre en même temps que vous. Donc, Gémeaux, hein, pour septembre 2023. Alors là, j'ai besoin d'en retirer. Gémeaux. Là, je suis obligée de retirer. Hein. Oh là là. C'est pas génial. Désolé. Évidemment, je m'adresse aux Gémeaux ascendants Gémeaux. Vous êtes très très nombreux, ça n'arrivera pas à tout le monde. Mais apparemment, il y a un avertissement de la part du Béline pour pas mal de Gémeaux. Donc par rapport, encore une fois, ici, c'est plutôt professionnel. Puisque j'ai la carte de la profession qui est sortie à la fin. Donc on voit que vous avez peut-être mis en place des choses pour cette rentrée. Vous êtes très occupé. Il y a beaucoup de démarches de votre part. Peut-être beaucoup de curiosité, vous avez envie de mettre beaucoup de choses en avant, beaucoup de nouveautés. Et c'est vrai que pourquoi ? Eh bien, vous avez besoin d'un nouveau départ plutôt professionnel, d'un nouveau départ socio-professionnel. Si vous ne travaillez pas, c'est au niveau de vos activités en général. Mais par rapport à cela, eh bien, on dirait que vous semez énormément, mais vous risquez de ne pas récolter ce que vous désirez. Pourquoi ? Ici, on a la malchance qui joue. Donc, peut-être que pour l'instant, il va falloir patienter parce que vous risquez d'être déçu par rapport à une personne sur laquelle vous comptiez. Ça peut être un employeur, ça peut être une personne qui avait un filon pour vous. Et finalement, eh bien, cette déception arrive et vous ne pouvez pas compter sur cette aide professionnelle ou socio-professionnel. Donc, le conseil, c'est de ne pas trop vous leurrer. C'est vrai que vous semez un peu partout, vous avez raison, parce que dans tout cela, il y a une assez grosse déception. Mais comme vous avez semé à plusieurs endroits en même temps, il y aura certainement des résultats en octobre. Mais au mois de septembre, eh bien, c'est assez instable et vous ne voyez pas les résultats arriver de suite. Donc, surtout, ne vous découragez pas et continuez.